C'est l'heure de remonter le temps avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 5 janvier avez-vous choisi de nous rappeler ? Le 5 janvier 1875, nous sommes à Paris le jour de l'inauguration de l'Opéra. Il y a 2500 spectateurs dans la salle, tout ce qui compte dans la haute société de l'époque autour du président MacMahon. Il faut dire qu'en cette fin de 19e siècle, l'Opéra n'est pas seulement une salle de spectacle, vous savez, c'est aussi le lieu de toutes les mondanités. C'est l'Opéra Garnier, donc. Hein, Garnier, c'est le nom de l'architecte, Franck. Oui, alors à ce moment-là, c'est simplement l'Opéra de Paris, on l'appelle Opéra ou Opéra Palais Garnier depuis la construction de l'Opéra Bastille, pour les distinguer. Charles Garnier est en effet l'architecte de cette nouvelle salle, de ce nouveau temple de la musique. Il n'avait que 35 ans lorsqu'il a été choisi pour ce projet, 15 ans plus tôt, sous le règne de Napoléon III. Le projet avait été lancé en 1860 et Garnier a été choisi par un concours face à 171 participants. On peut pas dire qu'il ait eu une grosse expérience à l'époque, mais on lui a fait confiance. Et pour quel résultat ? Une architecture éclectique qui emprunte à peu près à tous les styles possibles. Et alors, comment décide-t-on du lieu où il sera bâti ? Alors ça, c'est toute une histoire. Il faut pas oublier que l'opéra s'inscrit dans la continuité des travaux d'Haussmann, vous savez, qui en fait sont les travaux de Napoléon III, endossés par Haussmann. Il s'agissait de moderniser, d'ouvrir de grands axes dans la capitale. C'était d'ailleurs une des contraintes imposées pour le concours. Il faut que le bâtiment trouve sa place au milieu des nouveaux axes. La construction ne sera pas de tourpeau, les budgets alloués changent sans arrêt, les aléas de la vie politique de l'époque ralentissent le projet, il y a eu la guerre de 70 bien entendu, et ça n'a pas aidé à l'avancée des travaux. Enfin, l'opéra est donc inauguré le 5 janvier 1875, et figurez-vous que Charles Garnier n'a pas été invité. Non. Il a dû payer sa place. Le public ne s'y est pas trompé, puisque lorsqu'il est entré dans sa loge, on lui a fait une véritable ovation. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, nous évoquerons Johnny Hallyday et notamment nous aurons un duplex avec Sylvie Vartan depuis Los Angeles. À tout à l'heure.